beija-flor colibri. Peço a Deus pra salvar, natureza ouvir, baixo o canto do mar, beija-flor colibri. Peço a Deus pra salvar, natureza ouvir. Léo, Virginie et Nicolas, ce sont les trois compères qu'on retrouve tout de suite avec moi au téléphone, le groupe Vinylé. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Et ben voilà le trio, comment allez-vous? Bienvenue. Très bien. Merci. Très bien, merci. Et vous, Ted? Eh bien moi ça va, alors ça tombe bien parce qu'on avait une grosse averse de pluie derrière nous là sur le Velux du studio. Et puis bien là je viens de m'apercevoir qu'avec votre musique on est en train d'essayer de faire fuir cette pluie. Alors Léo, Nicolas et Virginie, le groupe Vinylé. Et donc c'est du jazz brésilien et là on est en train d'écouter le premier morceau. De quoi ça parle pour ceux qui comprennent pas trop? Oui, ce morceau c'est un peu un morceau qui parle un peu de nature, qu'il faut soigner la nature, qu'il faut pas très user la nature, quoique on le fait quotidiennement, mais c'est un morceau qui parle exactement de ça. Voilà. D'accord. Et alors donc, faut qu'on en sache un petit peu plus sur le groupe. Alors vous êtes trois, vous composez, vous faites de la reprise. On vous met dans une petite case qui s'appelle le jazz brésilien. Mais il n'y a pas que du jazz brésilien. Vous avez des influences chansons brésiliennes, mais on ressent qu'il y a autre chose derrière. Alors on est trois, on vient de trois horizons différents. Donc Léo, il vient du Brésil, il a joué pendant 15 ans au Brésil, donc il est vraiment dans la tradition brésilienne. Et Nicolas et moi, on vient plutôt du jazz. Et donc on a mélangé nos influences et on écrit chacun des morceaux dans le groupe Vinylé. Voilà, donc là, ce morceau qu'on écoute actuellement, c'est Léo qui l'a composé. D'accord. Et comment s'est fait la découverte? C'est comme ça? C'est un jour? On vous a présenté? C'est le hasard? Mais en fait, c'est grâce à Paris, à la ville où on habite. Et nous sommes tous les trois professionnels, nous jouons beaucoup et nous faisons beaucoup de concerts dans des projets différents. Et souvent, des concerts événementiels pour des entreprises. Et là, du coup, c'est cette occasion qu'on s'est rencontrés. Nous avons trouvé les sons très originales, la voix guitare brésilienne avec les vibraphones et les saxophones. Ça nous donnait un son pas commun. C'est un son original. Voilà. Et on a eu envie de défendre ces sons. Et du coup d'enregistrer, nous avons commencé par enregistrer des morceaux qu'on jouait déjà, des Caetano Veloso, des Chico Buarque. Et nous avons continué après en faisant des compositions, dont Messager me dépasse, qui est une composition de Léo que vous venez d'écouter. Mais il y a aussi une chanson Rêve de Virginie en français. Et du coup ça donnait voilà, un son assez original. Oui, parce que on le sait pas, mais quand on mélange, on a entendu là, donc Nicolas qui nous vient donc de l'Italie avec le mélange, comme on a dit, de Léo qui vient du Brésil, et de l'autre côté, on a le Sud-Ouest avec Virginie. Donc c'est vraiment un mélange de couleurs, c'est ce groupe. Hein. Et on sent vraiment la fraîcheur et la complicité entre les musiciens. Et puis ça donne ça. Et justement, on a derrière nous, comme tu parlais à l'instant, Rêve. On en écoute un petit extrait un petit peu plus long pour parler de Rêve avec Virginie. Avec plaisir. Deux pas rapprochés entre toi et moi. On sait qui va gagner, c'est lui que jouera. On est encore enfant, entoure-moi et chante. Étoile en sifflant, aussi vrai que filant. Avec elle, on peut rêver ensemble, sans laisser la nuit veiller. Ferme nos yeux, nous voyagerons, sans vouloir grandir. Avec elle, on peut rêver ensemble, sans laisser les jours ternir. Ferme nos yeux, nous voyagerons, sans pas qu'à danser entre toi et moi. La bossa usée nous entraînera. Alors en plus, je vais répondre à leur place. Je suis quasiment sûr que c'est pas la peine de leur demander d'où vient ce nom. Vinilé, Virginie, Nicolas et Léo, c'est ça. Hein. Gagné. Voilà. Et franchement, là vous vous êtes pas foulé sur le nom. Facile sur le nom, mais c'est bien. Ça vous correspond parfaitement. Alors Vinilé avec un petit site internet vinyl.cdsyparis. C'est le site où on retrouve l'actualité du groupe avec peut-être quelques extraits en exclusivité avant la sortie prochaine qui est donc le 21 avril, la sortie officielle de l'album. Voilà, mais les concerts, c'est le 20 avril au Zèbre de Belleville. Venez nombreux, ça va être un très beau concert avec des invités. D'accord, et le Zèbre de Belleville, de mémoire, ça va être sur Paris 11, je crois. Voilà, tout à fait. Voilà, d'accord. À 20h30. Oui, vas-y Patrick, hein. J'ai Patrick depuis tout à l'heure qui lève la main. On est comme à l'école ici, tu sais, mon chroniqueur, il lève la main. Moi, je suis complètement accro à la musique brésilienne, puisque moi, je suis un fou de Vinicius de Moraes et de Jobim. Donc, j'ai toute la discographie de ces grands chanteurs de jazz et joueurs de jazz. Et là, je reconnais Virginie qui est au saxo et ça me fait penser un peu à Stan Getz. Merci pour le compliment. Hein ? Tout à fait, ça correspond un peu à Stan Getz quand il jouait avec Jobim. Voilà, donc dans Garota d'Ipanema ou toutes ces chansons extraordinaires. Donc là, j'admire beaucoup ce que vous faites parce que vous êtes vraiment un groupe très éclectique. Mélange. Alors, le jazz va très très bien avec la samba, avec la bossa nova. Ça va superbement. Je crois que là, vous avez trouvé un créneau formidable. Et je voulais vous féliciter parce que vraiment, vous êtes au diapason dans ce domaine. Et bravo, bravo à Vinilé. Et venez nombreux au concert qu'il va y avoir. Donc, vous rappelez... Voilà, exact. Voilà. Et puis, est-ce que vous avez d'autres tournées, d'autres projets en vue, le groupe Vinilé ? Nous sommes tous sur d'autres projets, mais pour ce qui concerne Vinilé, on fera la sortie de disque. Et après, voilà, il y a des dates. Des tournées. Festivals, voilà, qui ne sont pas encore confirmées. Du coup, on préfère pas encore s'avancer, puisque ce n'est pas confirmé. Mais oui, nous avons des dates prochainement. Et rendez-vous sur notre site pour l'actualité. Pour l'instant, c'est le 20 avril qu'il faut vous retrouver, voilà. Parce que c'est la sortie officielle de l'album. Et comme on dit en brésilien, bonne sorte. Et puis enfin, voilà. Et enfin, on pourra aussi vous retrouver par la suite, certainement un petit peu à travers toute la France, hein, si des personnes souhaitent vous écouter et vous voir. Donc c'est bravo en tout cas. Le groupe Vinilé. Merci. Et donc, on va s'écouter un autre extrait à vous. Ta vie changée. Est-ce que votre vie a changé justement depuis que vous avez mis Vinilé en place? Ah oui, exactement. Et justement, ces morceaux que j'ai composés, ça fait quelques temps, ça parle de l'histoire de deux enfants, deux gamins qui exactement sortent d'un contexte difficile et à travers la musique, ils arrivent à trouver leur bonheur. C'est ça, ta vie changée, dans cet esprit-là. C'est tout à fait l'âme brésilienne, je trouve. Eh bien, on écoute tout de suite Ta vie changée. Bravo. Avec le groupe Vinilé, Léo, Virginie et Nicolas. Molequês de rua que rodam um pandeiro, tocam guitarra, tabaque, dançam capoeira, jogam capoeira. Aprendem sozinho, distante da escola, mais perto da realidade, com dificuldade, não são brincadeira. Capoeira, jogam capoeira. ça peut arriver. Si, le CD qui a bugué. Bon, on va le remettre. Là, il a sauté, ça arrive. C'est le groupe Vinylé avec nous sur Radio Arc-en-Ciel. Alors, plusieurs extraits de cet album, des compositions, des petites reprises. Est-ce que par la suite, vous avez des projets de vous associer avec un autre groupe ou avec d'autres chanteurs pour faire des petits duos ou trios en plus de votre trio Vinylé? Bah, et nous travaillons tous sur des projets à côté. Mais, avec Virginie, nous avons un autre projet qui s'appelle Maradato, dont le disque va sortir fin mai. Et voilà, cet après-midi, il y a des radios, sur des radios, il y aura Laurent Marod qui présente son honnête, qui sera jeudi prochain au 107, c'est la sortie de disque où j'ai fait partie aussi. Léo joue aussi dans plein de projets. Déjà, il joue dans les rendez-vous parisiens de la communauté capverdienne et brésilienne qui c'est chez Céleste, oui. Deux fois par semaine. Il fait plein de soirées avec d'autres musiciens comme Fabrice Thompson, comme d'autres musiciens. Du coup, nous sommes tous sur plein de projets et dans Vinylé, nous apportons tout ce que nous apprenons en jouant d'autres musiques. Voilà, moi, je suis Nicolas, le vibraphoniste, je joue beaucoup de bebop, de bop, Léo, vraiment dans les milieux brésiliens, Virginie aussi, beaucoup de jazz contemporain. Nous apportons toutes nos influences dans Vinylé et voilà, ça donne ce que vous êtes en train d'écouter. Et pour toi, Nicolas, ça n'a pas été trop difficile de t'incorporer à un groupe avec cette consonance, parce que tu viens quand même du nord de l'Italie et c'est pas vraiment cette couleur musicale qu'on a en Italie. Mais, la musique est un langage universel qui n'a pas de barrières et n'a pas de langue. On parle tous la même langue que la langue de la musique. Et c'est vrai que j'ai trouvé dans les jazz la musique qui me convenait le plus pour sa richesse harmonique et mélodique et pour sa liberté. Et non, je me suis trouvé tout à fait sur la même longueur d'onde avec mes acolytes des Vinylés. Et les accords qui fait Léo sont d'une grande richesse harmonique, et son placement me touche beaucoup. Et en plus, je trouve que tant les swings que la samba, que la bossa nova viennent toutes de cette musique qui vient des esclaves d'Amérique qui ont été éparpillés un peu sur toute l'Amérique. Elle garde ses swings internes dans lesquels je me retrouve très bien. Et d'ailleurs, sur la composition Meubem, où j'écris la musique, Léo a écrit les textes, voilà, je trouve on retrouve un peu la richesse un peu de harmonique du jazz avec des Coltrane changes, avec des accords très jazz, avec les placements, la mélodie de la musique brésilienne. Oui, et là, ce qu'on écoute derrière nous, c'est Manquez-vous tellement, Tanda de Saudade. Et ça vous manque vraiment de jouer, de ne pas aller jouer ça au Brésil? C'est accueilli comment votre musique? Ils accrochent tout de suite ou ça leur correspond un petit peu moins? Ils sont plus swing, samba? Justement, cette musique qu'on est en train de faire, on se réjouit depuis le début. Et parce que justement, on a essayé, je crois qu'on a réussi de condenser un peu ce qu'on a de mieux par rapport à tout le métissage de musique. Et par exemple, pour moi, la musique rêve, c'était un défi particulier parce que généralement, je chante toujours avec la langue portugaise. Oui. Portugaise. Et chanter un air bossa nova à un français, c'était un défi, mais bon, que j'ai bien aimé de faire. Mais oui, justement, la première fois que j'irai, je pense à aller au Brésil là dans 3 mois, et on va voir le résultat parce que j'ai compte apporter ce travail au Brésil. Et pourquoi pas faire des échanges avec au Brésil aussi. Oui. Et je suis sûr que tu vas là-bas, c'est pour le carnaval et pour les filles. Ah, ça, je m'en doute. Tu le dis pas, mais en fait, non, il fait froid ici et tu veux y aller. C'est pour ça, hein, surtout, Léo. Écoute, ça, c'est secret d'État. Secret d'État, voilà. C'est vrai. Alors moi, j'ai une petite question. On aime bien aussi, de temps en temps, poser des petites questions un petit peu décalées donc à nos différents groupes. Est-ce qu'il y a un petit groupe coup de cœur en ce moment? Vous auriez un petit coup de cœur à donner d'un autre artiste, hein, d'une autre formation, et que vous aimeriez bien qu'on parle d'eux aussi sur Arc-en-Ciel, ou même qu'on les reçoive, hein, si vous les connaissez. Pourquoi pas, tu les mets en relation avec moi? Du jazz brésilien en particulier ou en général? En général, hein, même si c'est du hard rock, de l'accordéon, comme tu veux, je prends. Eh bien, écoutez, du coup, je pense qu'on va je sais pas, je suis très fier dans le projet où je suis, pour ce qui me concerne. Après, mes acolytes diront leurs préférences. Et j'aime beaucoup les disques Maradato avec un travail avec Virginie. Du coup, nous avons cet autre projet. C'est avec la chanteuse malgache Nivra Orson. Il y a Thomas Bellon à la batterie, qui était le batteur de Cassav, et Fabricio Nicolas à la contrebasse. Nous avons fait un très beau disque. Et que nous sommes très fiers qu'il sortira fin mai. Et voilà, ces jours-ci, voilà, je travaille avec les nonnettes de Laurent Marode, qui est sorti chez le label Black and Blue. Nous verrons jeudi prochain au Sunset. C'est aussi un très, très beau projet avec des grands musiciens, Fabien Marie, David Sauzet, Jerry Edouard, Frank Basile, qui est venu de New York. Du coup, voilà. Ça, c'est mes coups de cœur. Virginie, si tu as des... Oh, Léo, si tu as des projets. Moi, pour l'instant, j'écoute beaucoup le parole d'un chanteur que je suis devenu ami. Je suis très fier de ça. C'est Théophile Chantre. C'est l'un des compositeurs qui a écrit beaucoup pour la dame Cesaria Evora, que tout le monde connaît. Et justement, il a écrit quelques mots pour nous dans notre album. Et j'ai hâte de peut-être chanter un morceau de lui dans notre prochain projet. Donc, c'est un artiste que je tiens beaucoup à lui remercier. Enfin, j'écoute beaucoup en ce moment. Théophile Chantre. Oui, en plus Cesaria Evora, moi je connais très bien, j'étais au Cap-Vert à un petit moment, donc on connaît vraiment un petit peu tout ce côté musique, un petit peu mélange hein, de brésilien, de Cap-Verdien, de balade, de jazz, de swing, tu sens qu'il y a un petit peu tout ce petit mélange-là, et Cesaria, bah oui, forcément notre diva au pied nu, hein. Il n'y a rien de tel, la Cap-Verdienne la plus connue du Cap-Vert, forcément. Et donc, eh bien, on rappelle, nous sommes toujours avec le groupe Vinilé. Est-ce que, tiens, vous lis un des morceaux de l'album, un petit coup de cœur qu'on n'entend pas souvent en radio, que tu voudrais qu'on écoute intégralement? Faites-vous plaisir. Hein. Ici, c'est comme ça, on vous fait plaisir. Bah, du coup, on va écouter la composition qu'on écrit avec Léo, Meubim. Oui. Eh bien, sans problème, on peut s'écouter ce petit morceau-là sur Radio Arc-en-Ciel, Léo et Nicolas du groupe Vinilé. Avec nous, et eh bien nous écoutons un extrait de l'album du groupe Vinylé. C'est un album de composition originale, mais aussi d'une relecture des chansons du mouvement Tropicalia et Bossa Nova. C'est un titre qui évoque l'autre côté, d'où le nom de l'album. Superbe, qu'on a avec nous, de Todo Lado, donc l'autre côté, où la vie d'un musicien sur le continent européen et les origines musicales des trois musiciens, Léo, Virginie, Nicolas. Et les origines donc musicales de nos trois musiciens le sont chargées d'influences différentes. Et alors tu peux reconnaître sur l'album la couverture, c'est une rue où apparaît une façade colorée où sont posés des vélos. La pochette est à l'image donc de notre groupe Vinylé, riche en couleurs, où les chansons parlent de la vie, de la rue et des voyages. Alors moi je tiens à dire au groupe Vinylé, je sais pas qui est le vélo avec la roue bleue, mais il va pas avancer très vite, elle est pas très très droite la roue, elle doit être tordue. Hein. Eh ben Vinylé, on vous retrouve donc avec la future sortie de cet album de Todo Lado, de toutes parts de quoi nous parlons. Ce sera le 20 avril au Zèbre de Belleville, Paris 11, pour la sortie de l'album le 21 avril. Et tous les renseignements, on peut vous retrouver sur votre site internet. On rappelle vinyl.siparis.com. Et on a donc toutes les informations, on a le contact, on vous a tous les trois en photo. Et alors, on peut pas se tromper puisque Virginie, c'est le saxophone. Donc là, on peut pas se gourer. La belle voix de Léo à la guitare et Nicolas, eh bien, donc, qui nous joue de tous ses petits instruments, percussions avec vous, c'est ça, hein? Oui, le vibraphone. Le vibraphone, voilà exactement. Eh bien, un grand, grand merci à vous. Donc, jazz merci brésilien, le groupe Vinylé qu'on a avec nous sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis, pour vous remercier, eh bien, on va finir avec cette belle chanson. Alors là, j'ai un accent qui va couper tout. La samba et samba, ça va être plus rapide, je crois. Un grand merci à vous trois et à très très bientôt, Vinylé. Merci, Seb. Merci. Merci. À bientôt. Merci. Muito obrigado. Si, muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Tristeza é, senhora. Desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura. Que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora, a tristeza. É senhora, desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura.